pas de taille, m'avez vaincu avec vos mots. J'ai perdu, je n'étais pas de taille, avec toute douleur dans le dos. Do-do-do.